le vieil arbre et l'arbre où mes parents ont accroché beaucoup de choses. Hélas, il est vieux. Et les gens sont amusés à décrocher les fleurs qu'ils ont déposées. Tu me disais tout à l'heure que il fallait que je te suive parce que cette racine était sèche, qu'elle avait perdu sa sève. En quoi ma présence au pied de l'arbre de tes parents va lui redonner sa sève? Lui a encore sa sève. C'est le premier arbre qui a eu dans cette forêt. Cet arbre, il faut lui parler, lui expliquer que l'heure est grave. Que pourrais-je lui dire? Dis-lui avec ton cœur. Tu as juste à déposer ta main. Que dois-je lui dire avec mon cœur? Que lui dirait ma main sur son tronc? Que l'heure est grave. Que tous ces ton frère sont en train de mourir. Il faut qu'il aide ses frères. Certaines de ses racines sont liées à d'autres arbres. Il pourrait passer une partie de sa sève à certains arbres qui feraient de même aux autres arbres. On entend déjà les tronçonneuses qui entament les troncs des autres. On entend les bûcherons tout autour qui s'activent. Que pourrait cet arbre seul contre la horde des moteurs lâchés contre lui? Cet arbre est tellement vieux. Tu penses qu'il pourra les éloigner? Oui. Ils sont partis. On ne les entend plus. J'entends encore au loin le murmure des moteurs qui menacent, sourd, s'éloigne, revient. Mais je n'ai plus rien à faire en votre compagnie. Si. Tu peux donc rejoindre l'esprit. Tu vois, ils sont toujours là, ces bûcherons. Rejoins Leslie, te dis-je. Moi, je resterai auprès de l'arbre et je donnerai mon sang en guise de sève à la forêt. Tâche de faire que ces enfants sont en train de mourir sous les coups de ces moteurs. Il pourra les faire se perdre dans la forêt ou faire en sorte à ce que les autres arbres les éloignent. Ils s'approchent. Ils sont partout. l'arbre-mère a-t-il reçu le message ? Est-ce que oui ? C'est au cadavre accroché à l'arbre, le cadavre de Gaëtan, ah, que tu parles. Il est désormais uni à l'arbre d'hier vers lequel tu l'as guidé. Chut. Il a peut-être un peu trop donné là. Mais c'est bon. En guise de larmes, de longues coulées de sève. Bon, bah on est plus que trois. Yes. Lisse sur ses joues après, depuis. Il est parti. S'il revient. À moins qu'on soit que deux. Ses yeux. T'es tout seul avec moi. Ses yeux qui sont désormais les nœuds dans le tronc. L'arbre l'a presque entier phagocyté, et ce qui reste de ses moustaches bat au vent comme les plumes qu'un oiseau aurait oubliées en s'éloignant précipitamment à l'approche des bûcherons. Je l'avais proposé d'aider la forêt, mais pas à ce point-là. L'arbre-mère n'était pas assez puissant, est-ce que je vois. Il a dû... s'occuper de Gaëtan. Et maintenant, la forêt... Elle n'est plus malade. On l'entend bruire. Et Gaëtan vit au travers. Comment il s'appelle ? Gaëtan. Gaëtan, ok, c'est pas trompé. Et Gaëtan vit au travers. Les moteurs se sont éloignés. Ils ont dû être éloignés par la forêt qui a repris vie. Ils ont dû être surpris et être partis. Morts de trouille, comme disaient les amis. Gaëtan ? Toi ? Alors que je suis désormais mêlé à la sève de l'arbre, regarde, c'est loin du monde. Tu dis tout est lié.